passion in me. A little more fire, a little less fun, a little less man, a little more spark. Throw your mouth and open up your heart, and baby, say it's my baby. That is my baby. Dig to the summer breeze. It's a groove in there and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Pull your arm and open up your heart and make it satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't you guys need to do anything? Let's get to the news and grin. Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour la Radar du Sport. Il est un peu plus de 19h30, on est en direct sur Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro des vacances, puisque c'est encore les vacances pour cette dernière semaine. On reprendra donc l'horaire classique à partir de lundi prochain et le retour de Manu. Et ce soir, eh bien, je ne suis pas seul, puisque je suis en compagnie de Jérémy qui nous a rejoint ce soir. Salut Jérémy. Salut Rémi, comment ça va? Attends, je crois que tu n'as pas le bon micro. Ah, 20. Là, c'est bon, là, ouais. C'est beaucoup mieux. Bonsoir à tous. Salut Rémi. Salut tout le monde. Donc, ouais, c'est les vacances. Hein, on en profite. Bah encore ouais. Une petite semaine. Et puis après, on va retourner au boulot. Bah, il faut bien. Hein. Il faut bien. Alors, le programme ce soir, Rémi. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Eh ben, reprogramme. On va avoir du foot, bien sûr. Puisqu'on va parler de la journée de Ligue 1 qui s'est jouée hier. Et ce classico qui finalement n'a pas eu lieu. Il n'a plus lieu depuis. Depuis quelques années. Depuis quelques années maintenant. Ça devient compliqué. 4-0, victoire des Parisiens. Ça aurait pu être plus large en plus. Hein. Bon. Oui. Deuxième mi-temps, enfin il y a eu une première mi-temps très. À sens unique, ouais. Très intéressante, ouais, des Parisiens. Puis après ils ont un peu lâché, j'ai trouvé. Ouais, ils ont. Après ils ont laissé un petit peu le match se dérouler. Oui, tranquillement. Bon, on verra, on en reparlera tout à l'heure. Et puis aussi les autres résultats de cette journée. On a vu Lyon. Ça y est, ouais, qui gagne. Monaco qui va beaucoup mieux et qui est bien remonté aussi. On parlera aussi d'autres résultats et le classement aussi. La Ligue 2, on parlera bien sûr du SO. Eh oui. Qui est match nul encore. Qui n'a pas réussi à battre Châteauroux. Ça aurait été bien pourtant. Ouais. On va aussi revenir là-dessus. Les autres championnats aussi européens. Liverpool qui continue. Passons sans faute puisqu'il y a eu un match nul, mais quand même c'est une grosse série depuis le début de cette saison. On parlera aussi du Classico en Espagne qui lui n'a pas eu lieu. Eh oui. Pour des raisons autres hein, que des raisons sportives, mais du coup qui a été décalé. Et ça fait des affaires de Grenade qui a pris la tête du championnat. Comme quoi. Hein. Comme quoi tout est possible dans le football. Ouais. Ça c'était Lilian Thuram qui disait ça. Ouais, c'est vrai. L'Italie, l'Allemagne aussi, bien sûr. La Ligue des Champions, bien sûr, avec les Coupes d'Europe en général, où ça s'est plutôt pas bien passé pour le club français, hormis pour Paris, qui s'est imposé. Et malheureusement pour les autres clubs français, ça a été un petit peu plus difficile, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Ce soir, on aura du foot aussi en direct dans une heure. Je regardais, c'est pas les. Là, il y a un grand match, hein. Istanbul, Trabzonspor, 1-1, ouais. À 79e. Et puis, donc, oui, le direct ce soir après, à partir de 20h45, Valenciennes-Le Havre. C'est sympa. Ouais. 10e contre eux, 6e. C'est pas le gros match de la journée. Mais... Championnat du Portugal aussi avec Braga-Santa Clara à 21h15. Mais on sera. On aura sur le moment de partir. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de regarder ce match. Non. Et puis rien d'autre. Si, du tennis, je crois qu'il est en direct toujours. Alors, oui, c'est fini. Alors, c'est à Paris, hein, pour le Rolex Paris Masters. Officiellement, le Paris-Bercy, bien sûr. Où ça joue depuis ce matin pour le premier tour de ce tournoi. On verra que certains Français se sont qualifiés, comme Benoît Paire qui joue tout à l'heure, comme Jérémy Chardy. Non, Benoît Paire, il a gagné. Hein. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais qui joue tout à l'heure. Qui ont joué tout à l'heure. Oui, voilà. Chardy et Benoît Paire qui sont passés. Voilà. Et puis il y a deux Français qui joueront tout à l'heure. Son gars qui va démarrer d'ailleurs, puisque comme ouais. C'est fini ouais. Pour Benoît Paire, ça va se poursuivre avec son gars contre Rublev. C'est pas un tour facile pour son gars qui revient pas mal dans cette saison, mais qui va affronter Rublev qui est plutôt bien cette saison. Et puis dans la foulée, puisqu'il y a qu'un cours central à Paris, c'est Manarino qui va affronter Casper Ruud, qui lui sort des qualifications, le Norvégien. Donc ce sera dans la foulée ces deux derniers matchs qu'on va suivre du coup en direct dans Fil Rouge dans l'émission. Paris-Bercy, ce sera aussi tout à l'heure le programme du tennis avec un gros tournoi, encore un gros tableau, la lutte pour la place de numéro 1 entre Djokovic et Nadal. Malheureusement, on l'a appris ce matin, c'est le forfait de Roger Federer qui a préféré se ménager en vue bien sûr du Masters de Londres qui aura lieu dans 15 jours, le dernier tournoi de l'année. Qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de l'année, bien sûr. Donc on va bien sûr y revenir tout à l'heure. Et puis donc Federer qui lui s'est imposé hier à Bâle dans son tournoi pour la 10e fois de sa carrière et qui remporte son 303e titre en carrière. On va y revenir aussi tout à l'heure. Pardon, je déménage. Il y a des bruits de l'autre côté. Excuse-moi. Et donc voilà, qui sera pas malheureusement présent à Paris cette semaine comme on pouvait le craindre depuis plusieurs jours. On va aussi en reparler tout à l'heure. Ça c'est pour le tennis. On aura aussi ce soir du rugby avec le mondial et les demi-finales du mondial qui se sont jouées ce week-end. Qualification pour l'Angleterre qui a fait le match peut-être du tournoi face à la Nouvelle-Zélande qui s'est qualifiée. Quel match qu'on a vécu, ouais, samedi matin. Un petit peu moins beau celui de dimanche matin, hier matin, entre les Gallois et les Sud-Africains. Pas d'essai, malheureusement, et c'est l'Afrique du Sud qui se qualifiera. Donc Angleterre-Afrique du Sud, finale samedi. On va y revenir. Du basket, l'OLB qui s'est imposé à l'extérieur, ça fait du bien, en Djipéli. Face à Nanterre. Exactement, à Nanterre. Ouais, belle victoire. La NBA qui a repris, on en fera un petit mot, on en parlera un petit peu. Du handball aussi, alors il n'y avait pas de championnat puisque c'était la trêve internationale, l'équipe de France qui a joué, on va en parler. Et puis malheureusement c'est fini en rallye, championnat du monde des rallyes, où Sébastien Ogier, le français, a perdu son titre hier, puisque c'est Otanak qui a remporté le titre pilote. Et c'est la fin de la suprématie des Français depuis 15 ans, plus que ça. Voilà, ça, X années. Ouais, on va en reparler dans un instant. Et donc, les directs, on en a parlé du foot et du tennis. C'est le programme du fil rouge. Ça a marqué, tiens, en Turquie. Ah oui. Istanbul, qui a repris. Qui a pris la tête, puisque c'était mené 1-0. Et ça s'est joué tout ça en pas longtemps. Il y a eu 3 buts, et du coup, c'est Istanbul qui a pris la tête. Sturridge, il est à Trabzonspor ? Non. Daniel Sturridge, je crois que c'est le même. C'est le mec. C'est la personne. C'est la personne, je crois, qui. Si on dit pas de bêtises, on va vérifier, mais je crois que c'est bien le bon. Est-ce que c'est lui ? On va regarder tout de suite. Ben ouais, c'est bien Daniel Sturridge qui est. À 30 ans seulement, il est déjà en Turquie. Bon, ouais. Pourquoi pas ? Ça, faut acheter les clubs français, merde. Ouais, c'est con, ouais, un bon c'est joueur. C'est pas Valère Germain, là. Un super joueur, Daniel Sturridge. Putain. Qui est passé par Liverpool, par Chelsea City, qui a fait des gros clubs. Premier titre tout de suite dans l'émission. On commence avec Dance Monkey, The Tones and I. Et ben on part là-dessus. Et puis bah, tout au long de la soirée, bien sûr, d'autres titres. Pour nous écouter 96.2 FM, comme d'habitude, partout dans le Loiret et partout dans le monde, c'est le site radio-arc-en-ciel.fr pour trouver le direct. Voilà, puis il y a un autre site aussi où vous pouvez retrouver le direct de d'Arc-en-Ciel, bien sûr. Et puis le Facebook, Red Arc du Sport, vous pouvez venir passer un petit message sur le Facebook. Pas de standard ce soir puisque c'est en rade malheureusement. Ah. Donc pas de direct. Faut payer. Et il y a un problème d'abonnement. Peut-être Jérôme en fin d'émission. Je sais pas s'il sera avec nous. Il est en Bretagne ce soir. Ah bah oui, donc ça paraît compliqué. On va essayer quand même de l'avoir. On tentera. On aurait pu l'avoir la semaine dernière, mais lui pensait que c'était 21h30, mais non. Donc peut-être ce soir, on verra. En tout cas, on commence avec ce premier titre et on revient juste après pour la première partie de cette émission. A tout de suite, 19h44. Retour après ce premier titre. Ouais. C'était donc Dance Monkey. Yes. Petite dédicace en passant à Jérémy et tous ses collègues de la PM d'Orléans. Voilà, on sait qu'ils bossent tard ce soir. Oui, s'ils nous écoutent, on lui fait une bise. Ils nous écoutent. Et bah, on lui fait une bise. Nos plus grands supporters. S'ils ont le temps, qu'ils fassent accrocher par ici. Faites accrocher par le studio. C'est pas très loin. C'est quoi l'adresse? 266. C'est rue du Faubourg-Magny. Rue du Faubourg-Magny, ouais, c'est la 266. Vous passez le Porsche après le kebab, tout de suite après le kebab, vous passez le Porsche à gauche et vous venez nous voir. C'est ça. On les accueille avec grand plaisir. On revient pour cette première partie. Les directs, ça n'a pas... Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé en foot. Hein, d'ailleurs, c'est presque fini. D'ailleurs, 91e en Turquie, pour Istanbul, j'ai dit Istanbul, oui. Et puis, ça démarra un peu plus tard pour le reste d'autres matchs. Le tennis a démarré, hein, Rublev Tsonga. Ça y est, ouais, ça vient juste au démarrage. Premier jeu de service, c'est Rublev, le russe, qui sert pour lancer ce match. Et Tsonga, qui lui, on le rappelle, a été invité par l'organisation pour ce tournoi, parce qu'il n'était pas qualifié, vu de son classement assez lointain. Mm-hmm. Une info foot avant de démarrer concernant l'équipe de France des U17 qui est l'équipe jeune l'équipe de France qui a démarré sa Coupe du Monde en Brésil. Beau lieu pour une Coupe du Monde. Sympa. Voilà, qui a démarré hier. Son premier match de poule face au Chili qui a battu le Chili 2-0. Ah, super. Voilà, qui a bien lancé son tournoi, qui jouera maintenant mercredi face à la Corée du Sud, mercredi soir. Et puis. Ils ont des chances d'être champions du monde ou pas? Est-ce que tu sais un peu? Ouais, ils sont plutôt bien placés. Après, il y a quand même des belles équipes. Il y a le Brésil à la maison, qui a bien lancé aussi, qui a gagné 4-1. Il y a l'Espagne, l'Italie aussi. Donc, il y a quand même un beau tableau. Mais il y a des chances, ouais. Il y a une bonne chance de victoire. Deuxième match, donc on l'a dit, mercredi face à la Corée du Sud, mercredi soir, et dernier match face à Haïti, samedi soir, voilà, Haïti. Donc un groupe plutôt simple hein, pour l'équipe de France a priori. Et donc les deux premiers de chaque groupe se qualifient. D'accord. Et les meilleurs troisièmes. Donc il y a pas là maintenant avec une victoire, les Bleus sont quasiment qualifiés déjà pour les huitièmes. Les huitièmes qui auront lieu la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, donc les Bleus sont plutôt en bonne position. Et la prochaine génération des 17, c'est-à-dire que là c'était la génération 2002 qui joue en ce moment. Ouais. Et la génération 2003, donc la suivante, qui elle a démarré les qualifications à l'Euro 2020, puisque ce ne sera pas la même équipe forcément, sûr, ça va changer. Ouais. Et en tout cas, a fait un sans faute cette semaine dans ces trois matchs de qualification. Il y a eu victoire face à Gibraltar 8-0, Chypre 2-0 et Slovaquie 2-0. C'était pas non plus des grands concours. Non, c'était plutôt facile. Donc ça, c'était les matchs du tour préliminaire, tir qualificatif. Et donc les Bleus sont qualifiés pour disputer le tour élite, qui est la deuxième étape. Alors c'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est le même procédé chez les espoirs, où il y a plusieurs étapes, plusieurs tours pour se qualifier. Et donc là, ils sont qualifiés pour le deuxième tour, qui est le tour élite. Et puis après il y aura éventuellement un autre tour pour cette équipe de France qui a donc bien lancé ses qualifications. Voilà pour la petite parenthèse de foot pour démarrer. On démarre avec malheureusement la fin de la suprématie française en rallye, champion du monde des rallyes WRC. Mmh. C'est 9 titres pour Sébastien Loeb, d'ailleurs qui avait participé à ce rallye là hier. Et puis 6 titres pour Sébastien Ogier. Donc 15 ans de suprématie française en rallye. C'est voilà. Incroyable. C'est fou, hein. Mais après, est-ce qu'il va pas pouvoir revenir aussi au Ogier? C'est peut-être cette année, c'est compliqué, mais. Il va remettre ça l'année prochaine. Il avait, enfin en fait, Otana qui lui a remporté le titre cette année avait la meilleure voiture du plateau. D'accord. Donc c'était assez logique qu'il s'impose. Il a remporté 6 titres, 6 victoires cette année, donc contre 3 pour Ogier. Donc c'est plutôt logique. Donc Rallye Grande-Bretagne, il n'a pas gagné ce rallye, il est arrivé deuxième. C'était pas en Grande-Bretagne, c'était en Catalogne. Deuxième place pour Otanac, victoire pour Thierry Neuville qui était aussi l'un des concurrents pour le titre mais qui était beaucoup plus loin et qui a pas réussi à s'imposer. Dany Sordo troisième, Sébastien Loeb qui n'ont participé à ce rallye, il en a fait quelques-uns cette année, a fait quatrième, et mais Sébastien Ogier huitième seulement. Loeb là, il peut participer comme il veut en fait. En fait, il peut faire plusieurs. Il y en a un autre, je crois que c'est Dany Sordo qui en fait quelques-uns. Le championnat est faussé alors en fait. En fait, il marque des points. Ouais. C'est un peu comme l'ATP en fait au tennis. Non? Ils choisissent leur course quoi. Et oui, le tennis, ils choisissent leur tournoi. Mais bah c'est vrai que ça peut fausser parce que bah si Lop gagne et Koji a perdu sur une course alors qu'il était là, il a peut-être paumé des points qui auraient pu l'aider. Ça peut fausser un peu. Ouais. Donc nous on peut s'inscrire aussi ou pas avec une 308 GT. Là je demande. Non mais c'est bizarre comme. Après là voilà, c'est Sébastien Lop, je pense pas qu'il le fasse avec tout le monde. C'est le patron. C'est encore voilà, il n'a pas remporté un seul cette année, mais bon, pense qu'il a tout prouvé. Hyundai, c'est pas les Toyota qui étaient en forme cette année, et donc bah voilà, victoire et enfin pas victoire sur ce Grand Prix, mais victoire sur la saison de Dodd Tanak qui l'an dernier avait déjà été pas passé loin déjà du titre, et cette année bah c'est la bonne, premier titre en carrière, et pour Sébastien Ogier, il en a 6 déjà. Ouais. Bah peut-être que il y en aura d'autres. Hein. On rappelle que le record c'est 9 par Sébastien Loeb et que surtout ils étaient consécutifs à l'époque. Quoi qu'il arrive, il pourra pas les battre parce qu'il s'est arrêté à 6. Voilà, on voit une photo. C'était à l'ancienne. Cette photo. La dernière fois qu'un Français n'a pas été titré, c'était. Alors je sais pas qui c'était, ce pilote. Peter Solberg en 2006. Ah oui, d'accord. C'était le dernier pilote qui n'était pas français à avoir été sacré champion du monde. Et à cette année-là, Loeb était arrivé deuxième. D'accord. À un point, je crois. C'était la première année de Loeb en rallye. Il avait perdu pour un point et derrière, il avait gagné 9 fois. Voilà, donc depuis 2006, c'est ça. Une autre époque, c'est quand il y a des photos de Loeb qui étaient vraiment très jeunes. À l'ancienne, oui. Voilà, donc c'est fini pour malheureusement pour Sébastien Ogier qui devrait finir deuxième. Alors, il a 10 points d'avance. Ah non, troisième même, puisqu'il a 10 points de retard sur Thierry Neuville, le Belge. Il reste une course. Bon, qui aura moins de saveur forcément en Australie. Voilà, à la mi-novembre pour terminer cette saison. Et puis le titre s'était joué aussi l'an dernier à la même époque en fait. Donc, finalement, ça se joue à rien à chaque fois. Hein. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Et c'est fini donc pour Ogier. Donc voilà pour le rallye. Donc plus qu'une seule course. En Formule 1, là c'est pas fini. Mais en tout cas, il s'en est encore approché, Lewis Hamilton, du titre, puisqu'il a encore gagné au Grand Prix du Mexique hier. Victoire donc devant Sébastien Vettel et Valtteri Bottas, qui finit donc pied du podium, c'est Charles Leclerc, qui a aussi enchaîné plusieurs belles performances depuis un petit peu. Hein. Pierre Gasly, le français, 9e, et l'autre français, c'est Romain Grosjean, 17e, qui lui ne fait plus grand chose hein, depuis un petit moment, malheureusement. Alors c'est pas fini pour le titre, mais presque 363 points pour Hamilton et Bottas 289. Voilà donc a priori c'est rapados. Voilà, là on est presque arrivé au bout. États-Unis pour la suite dimanche sur le circuit d'Austin. Voilà donc ce fameux Grand Prix des États-Unis. Ce sera dimanche à 20h10 puisque bien sûr les clés décalage. Ce sera en soirée, donc là le titre n'est pas joué, mais en tout cas on en est presque. Et en MotoGP par contre c'est fini depuis déjà un petit peu, puisque Marc Marquez a remporté le titre et il restera encore deux courses. La Malaisie et Valence. Voilà, la Malaisie dimanche, et hier c'est encore une fois Marc Marquez qui a gagné, et c'est la 5e victoire consécutive hein, pour l'Espagnol qui survole, ouais, et survole le championnat. Marche sur l'eau. Ah, il marche sur l'eau, ouais. Et encore une fois, malheureusement, c'est une deuxième place pour Quartararo, le jeune français qui n'arrive toujours pas à s'imposer, et on espère que ça va pouvoir se faire un jour. En tout cas, sur ce coup-là, il n'était pas malheureusement dans les points. Et puis donc encore deux courses, la Malaisie et Valence. Dimanche, la Malaisie, pourquoi pas enfin avoir une victoire française. Et puis enfin, il y aura Valence mi-novembre. Voilà pour ce point moto GP, ce point mécanique au global. Athlétisme, alors pour l'instant, pas de... On est en saison en salle hein, désormais, donc il n'y a pas de grosse actu depuis la fin des championnats du monde d'ailleurs, qui avait été très mauvaise pour les Bleus, hein, 2 médailles seulement. C'était vraiment pas des bons championnats du monde. Non. À Doha, alors ça avait beaucoup fait parler cette histoire de Doha qui avait eu l'attribution de ces championnats du monde avec des stades climatisés, enfin ouais. Un tas de choses qui avaient été dites. Un marathon qui a été couru sous plus de 30 degrés, enfin un petit peu aberrant, Et c'est vrai que bon bah ça a pas été beaucoup médiatisé non plus cette histoire de mondiaux de Doha. Et bon, en tout cas, on a hâte d'être au jeu désormais pour revoir tout le monde dans d'autres conditions qui seront peut-être plus propices à nos Français pour. Ça a été compliqué, hein, ouais. C'est des conditions particulières. Moi, je trouve que c'est là la Coupe du Monde. Tu verras que ce sera faussé. Hein, c'est. Ah oui, pour le foot. Oui. Même si c'est climatisé, enfin, c'est pas pareil que l'air ambiant. Enfin, tout est. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi en plus je supporte pas la clim. Bon, j'espère que Didier me prendra. Mais il faudra que je dise parce que je supporte pas la clim. Faudra mettre un peu moins fort. Ouais, ah, mais ça, ouais, j'ai demandé. Non mais c'est vrai, c'est dommage. Ouais, c'est. Enfin. Ouais, bon, on verra. Bon, on a un peu le temps, c'est dans 5 ans. De quoi 5 ans, 3 ans. Non, 2022, ouais. Ouais, ça fait. Ouais, parce que moins 4, moi l'âge du capitaine. Ouais, c'est bon. Ça fait ça, ouais. C'est ça. Handball, pas de championnat, il n'y avait pas eu de championnat chez les garçons en tout cas, puisque c'était la trêve internationale. J'ai pas du tout suivi le handball. Il y a eu un match, il y avait des matchs. Voilà, les Bleus qui ont joué deux matchs. D'accord. De la Golden League, qui est la fameuse compétition qui est jouée en trois étapes chaque année. Donc première étape remportée par les Bleus, puisque les Bleus ont remporté. D'abord, le premier match face au Danemark, champion du monde et champion olympique en titre quand même, hein, qui est pas rien. Le Danemark qui est une grosse lancée, 31-27, c'était jeudi. Et nouvelle victoire face à l'Espagne, c'était samedi, au tir au but. Alors c'est assez rare au hand, 31 partout dans le temps réglementaire et 5 tirs au but à 3 ensuite, puisqu'il n'y avait pas de prolongation, on était dans une configuration un peu différente. Et donc les Bleus, du coup, qui grâce à cette victoire, remportent. Alors c'est un peu anecdotique parce que c'est pas un tournoi officiel, mais plutôt un tournoi d'exhibition. Mais ça fait toujours du bien pour prendre de la confiance, de remporter ces étapes. Donc première étape dans la besace des Bleus, et puis il restera deux autres étapes dans l'année. Et puis évidemment d'ici là il y aura l'Euro en janvier pour les Bleus, et puis bien sûr les Jeux Olympiques aussi où il y aura un titre à reconquérir puisque le titre avait été perdu face au Danemark à Rio, et pourquoi pas récupérer le titre. Au Japon, à Tokyo, dans quoi 8 mois maintenant, on s'y approche grandement de ces Jeux Olympiques. Et puis pour les filles, le mondial ce sera dans un mois et demi maintenant, début décembre pour les Françaises. Et elles ont joué en tout cas les filles, puisqu'il n'y avait pas de trêve chez les dames. Victoire des Panthères de Fleury, qui ont battu Chambray les Tours 31-23 au Palais des Sports, puisque désormais elles jouent tous leurs matchs au Palais des Sports, les Fleurissoises, et qui leur permettent d'être quatrième avec 20 points, 2 points du podium où Nantes est troisième, Brest 24 points et deuxième, et puis Metz qui est sur un sans faute, 9 victoires en 9 matchs, et qui est logiquement leader avec 27 points. Pour poursuivre la saison, il y aura un déplacement à Nice. Ce sera samedi soir chez les Niçoises, qui elles sont cinquièmes, qui sont juste un point derrière. Donc un beau match en perspective pour les Françaises. Et puis retour de tous les championnats masculins, la Ligue de Star League, les Ligues des Champions bien sûr, et puis bien sûr également Saran et Gien qui vont bien évidemment rejouer après une trêve d'une semaine. Bien sûr, et puis bon, pareil pour l'été champion, on le disait, ça va reprendre partout. Voilà pour le hand, reprise des championnats après cette semaine internationale. Un point direct avant de marquer une pause. On me demande Lady Gaga Star on Born. Born hein. Ah, Star is Born. Star is Born, parce que je suis pas américain. Avec notre ami qui chante aussi sur le titre, je ne sais plus. Je sais pas. Bradley Cooper, c'est ça? Bradley Cooper, Michel Cooper, je ne sais pas, Jean-Pierre Cooper. Bradley Cooper, bien sûr. Et voilà, c'est pour Pierrot de la PM Orléans. Voilà, on embrasse aussi Florian et toute sa petite belle famille qui nous écoute depuis la Guyane. Oula! C'est quand même. Tu vois, je suis dans le monde. Et ben voilà, voilà. Ça fonctionne bien. Et Blanche-Neige aussi qui nous écoute depuis Saint-Jean-de-Bré ou Saran, je crois, ou Olivier, ou je sais pas. Enfin, depuis dans le coin. Non, puis, un peu plus proche. Blanche-Neige, ouais, un crack du football. Ah! Ah ouais, il m'a demandé. Non, bah. Donc on aura Star and Bone, c'est ça? Star is Born. Star is Born. C'est la bande originale du film. qui est sorti l'an dernier. D'accord. Très beau film d'ailleurs, au passage. Pour les amateurs, pour les cinéphiles. Les amateurs du 7ème art. Ah, ça loupe un gendarme à Saint-Tropez quand même. Non, le show. Mauvais le. Alors, c'est fini en Turquie. Très bon sport qui a égalisé en fin de rencontre 96ème. Donc, deux partout au score final. Dans cette rencontre, dans 45 minutes, un petit peu moins même. Valenciennes-Le Havre, c'est en Ligue 2, 12ème journée. Dernier match de cette 12ème journée sur Canal Plus Sport, d'ailleurs, pour suivre cette rencontre en direct. Et au Portugal, ce sera 21h15. On ne sera quasiment plus là déjà. Ce sera Braga Santa Clara pour la 8ème journée. Tennis, c'est parti depuis un petit moment, quelques minutes sur le cours central du Palais Omnisport, plus le Palais Omnisport de Paris-Bercy, sur la Côte Atlantique, c'est comme ça qu'il faut la nommer désormais. Roublev qui mène 2-1 face à Tsonga, pas de break, le français sert pour coller, et dans la foulée, le dernier match de cette première journée, Casper Ruud contre Adrian Mannarino, invité lui aussi par le tournoi, tout comme Tsonga d'ailleurs. Et tout de suite, donc, le titre que l'on attend, Star is Born, et juste après du basket au programme, du rugby et du tennis. Déjà on va passer ce son et on viendra juste après. Alors oui, le titre du film, c'est Star is Born, mais c'est Shallow sinon le titre du. J'espère que Pierrot c'est ça. Hein. Parce que si c'est pas Shallow, tu vas être. Ah il y en a plusieurs, mais. Je pense que c'est la plus connue. Ça enfin, à peu près, ouais. C'est Shallow avec Bradley Cooper en duo. D'accord. Issu du film A Star is Born. Et ben c'est parti. Rapiro Solover. Pour ce titre. Ah, c'est beau. Je pense que c'est ça. Hein. Ah, j'ai envie de chialer, moi. Tout comme ça. Petit accord de guitare au départ. Par contre, j'attends toujours le kebab, les gars. Bah, surtout qu'il y en a un côté, donc. Ils peuvent nous en ramener au passage. C'est pas exclu, hein. Allez, on écoute ça et on revient. À tout de suite. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Keeping it so hardcore, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear magique. C'est magique. Ouais. Bon, là c'est mon refrain ou quoi? Technique Ah ouais. Voilà. C'est magnifique, t'es en Bourville. Ah oui, non mais c'est nos... On a deux grands auditeurs là ce soir. Plus nos amis de Guyane, plus tous ceux qui nous écoutent. Qui sont loin de chez eux. Alors, eh bien, on revient après ce titre de Lady Gaga et Bradley Cooper. Donc, Shallow, donc extrait du film A Star Is Born. Retour. Magnifique. Donc, et on est sur nos un seul direct en fait pour l'instant, un cours en tennis. Malheureusement, le Français Djuri Fritsonga qui vient d'être breaké par André Rublev, le Russe, 3 jeux à 1, et qui va désormais servir pour confirmer ce break dans le Masters 1000 de Paris, Masters, donc le dernier Masters 1000 de la saison. Basket donc avec la Jeep Elite et cette sixième journée, ça va mieux pour Orléans qui s'impose à Nanterre sur le score de 68-63. Après un début de saison difficile, ça va un peu mieux pour Orléans qui est dixième après cette victoire. Alors dixième, en fait, avec pas mal d'égalité dans la configuration actuelle. Pas moins de 7 équipes à égalité. Et on a en tête toujours Boulogne, Levallois qui est invaincu. 6 victoires en 6 matchs. La dernière, c'était à Pau sur le score de 114-110, un score de NBA. C'est NBA. Mais prolongation 11. Ah oui, d'accord, parce que je pensais qu'il y avait un vrai fossé, mais non. Non, non. Et 100% de victoire. Et l'Asvel aussi, ouais. L'Asvel qui aussi est sur un sans faute. L'Asvel qui s'est imposé sur l'extérieur à Rouen. Donc deux équipes sans invaincues et deux équipes en bas qui n'ont gagné qu'un match. C'est difficile pour Le Portel et Rouen qui n'ont remporté qu'un seul match. Pour Orléans, c'est un petit peu mieux. Il y a 2 victoires et 4 défaites. Bon. Ouais, ils sortent la tête de l'eau quand même. Hein. Il fallait gagner ouais, ce match-là. Boulazac. Boulazac, oui. Boulazac. Je sais pas, je ne pourrais jamais te dire où c'est. Regarde, cherche, tu vas voir. Boulazac, allez, je pars en voyage à Boulazac. Prochain match pour Orléans, ce sera au Palais des Sports face à Cholet, samedi soir. Donc, soyez au rendez-vous pour les amateurs de basket. Orléans-Cholet, samedi 20h au Palais des Sports d'Orléans. Ah, c'est en Dordogne, à côté de Périgueux. Ah, bah, voilà. Pas mal ça. C'est l'instant géographie. Voilà. Merci. Petite info. Il y a quoi d'autre que tu veux regarder là? Il y en a un que tu connais pas? Le Portel, tiens. Le Portel, c'est où? Le Portel, c'est à côté de. Portel, je crois que c'est dans le sud. Ouais, mais quel. Ah, je dirais bien sud de PACA, un truc comme ça, non? Alors, le Portel, c'est dans le Pas-de-Calais. Ah, c'est pas du tout le. Ouais, c'est le côte inverse. Ah la moche. Ouais, d'accord. Ah, c'est pas du tout. C'est le nom d'un. Tu sais, je pars au Croisic, au Portel. Ah bah non, Croisic, c'est. Non, c'est pas. Non, ça va pas. Non. Non, ça va pas. Non, ça non. Va pas. Non, non, non. C'est pas beau, monsieur. Non. Non. Putain, on nous écoute partout. Il y a aussi Théo et Tom qui nous écoutent. Qui sont, voilà. Où, qui sont à Donnerieux. Ah, c'est pas loin. C'est voilà. Pas très loin non plus. Faites, travaillez bien, les copains. En Euroleague, l'Asvel qui malheureusement a été battu pour la quatrième journée de cette Euroleague et qui du coup est à pile à la moitié, 2 victoires et 2 défaites pour ce début de compétition qui va leur faire jouer encore. Je crois pas moins de 34 matchs dans cette. En fait, ils jouent en plus de 34 matchs de championnat, il y a 34 matchs de Coupe d'Europe. Donc ça fait quand même un paquet de matchs à jouer. Mais bon, après, on passe pas dans la NBA, ils jouent les matchs tous les deux jours. Hein, donc c'est pas non plus énorme. En NBA, justement, bah, c'était le début de la saison. Ça y est, c'est reparti depuis une petite semaine à peine. Il y a déjà des grosses surprises. Hein. Ouais. Ouais, ça y a déjà quelques surprises. Ouais. Alors, ce serait pas mal que Jérémy arrive avec son collègue parce que lui il est très basket. Et ben oui, je sais. Il fait, enfin c'est pas trop du sport ça, mais c'est sympa. Toronto qui a remporté le premier match de la saison face à Nouvelle-Orléans. Là aussi, il y a eu un gros score 130-122, mais il y a eu aussi des prolongations. Et dans le derby de Los Angeles, c'est les Clippers qui ont battu les Lakers 112-102. Alors depuis, il y a des matchs tous les jours, on ne va pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même pas mal. Quelques résultats de la nuit dernière, on a eu 3. Portland qui a battu Dallas à l'extérieur. Minnesota qui a battu Miami. Et enfin, les Lakers qui ont aussi gagné face aux Charlotte Hornets 120-101. Un point classement, alors pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Il y a eu 2 ou 3 matchs par franchise. Atlanta, Philadelphie sont leader à l'Est puisqu'ils ont emporté leurs 2 matchs, puis à l'Ouest c'est Minnesota, Denver ou encore les Spurs qui sont donc en tête avec là aussi 3 ou 2 victoires par franchise dans le début de ce championnat. En revanche, les Warriors qui ont perdu leurs 2 matchs, hein, qui sont en bas de classement, mais évidemment avec ces 2 défaites, tout comme New York et Indiana à l'Est. Bon, bah, en tout cas, c'est le début, donc il y a encore beaucoup de matchs à jouer, évidemment. Cette nuit, beaucoup de matchs au programme, une dizaine de matchs encore, à partir de minuit. On aura droit à Détroit, Indiana, New York face aux Bulls de Chicago. Voilà, il y a notamment les Spurs qui vont recevoir Portland. Les Warriors vont se déplacer à Nouvelle-Orléans pour tenter de remporter leur premier match. Et puis des matchs jusqu'à 3h du matin, voilà, tout ça. Cette nuit, puis toutes les nuits prochaines, jusqu'à lundi prochain, il y aura des matchs. Évidemment, en basket toujours, on parlait à l'instant de l'Euroleague. Il y a bien sûr aussi les autres compétitions de cette... alors chez les femmes, d'abord l'Euroleague là aussi, hein, bien sûr. Bourges, malheureusement, qui a perdu son deuxième match en 2 journées, et qui tentera cette semaine de enfin remporter un premier match. L'Asvel, là chez les filles, qui sont également 1 sur 1 donc sur ce début de championnat, cette Coupe d'Europe. Et puis Montpellier qui est à 1 sur 1 sur ce début de saison, donc prochain match est évidemment cette semaine pour tout le monde, donc c'est dans le cadre de cette Euroleague. Toujours dans les Coupes d'Europe, puisque ça joue aussi dans l'Eurocoupe, qui est la deuxième Coupe d'Europe. Monaco, qui malheureusement a perdu son premier match la semaine dernière, mais qui a enchaîné avec une victoire cette semaine, et donc qui est à 3 sur 4 pour l'instant dans ce début de saison, et qui est plutôt pas mal jusque-là. Ensuite, dans le groupe suivant, on est dans le groupe A, on est dans le groupe B avec Limoges, qui a enfin remporté son premier match de la saison dans cette Eurocoupe, qui va beaucoup mieux. Nanterre est à égalité de victoire et de défaite, 2 sur 4, pardon. Et puis c'est tout, ouais, et c'est déjà pas mal dans cette Eurocoupe. On retrouve donc 3 clubs français engagés cette année. Et puis enfin, Ligue des Champions, qui est la dernière des compétitions, Strasbourg. Là aussi, tu as la moitié du classement. Pau, qui a perdu ses 2 matchs jusque-là. Et enfin, la dernière équipe, c'est Dijon, qui en revanche, elle, est sûre en son faute 2 sur 2 depuis le début de cette compétition. Voilà pour le basket, pour le point complet. Dans un instant, rugby avec évidemment la Coupe du Monde qui se poursuit. On reviendra sur ces 2 demi-finales qui ont été jouées ce week-end. Du tennis avec évidemment la fin de saison avec pas mal d'enjeux, hein, et évidemment, et c'est direct en cours, et puis du foot bien sûr juste après, où là on aura plein de choses à dire. Du son tout de suite, qu'est-ce qu'on écoute pour ce titre? Alors qu'est-ce qu'on va s'écouter? Non, mais pour de vrai. Je sais pas, quoi. Alors qu'est-ce qu'on s'écoute, les gars? Vous avez le choix. T'as la tienne? Allez, fais-toi plaisir. Hein? Vas-y. Hein? Bah, mais je peux. N'importe. Bah, non, mais n'importe. Il faut intervenir. On est en direct, c'est pas grave. Et Punk, Gatoki. Non, pas Gatoki, non, l'autre, comment c'était? I feel it coming. Ah, alors avec. avec. Guada. A Phil Coming avec je ne sais plus comment il s'appelle, le The Weeknd, voilà. Et ben c'est parti pour on va mettre celle-ci, hop, pour ce titre, et juste après c'est la troisième partie. I Feel It Coming, The Weeknd et Daft Punk. 20h18, à tout de suite. Retour avec The Weeknd à l'instant pour I Feel It Coming avec les Daft Punk sur ce morceau issu bien sûr de son album Starboy sorti il y a quelques années déjà. On aura Giant après avec notre ami Calvin Harris et Ragged Bondman, ce sera le son de tout à l'heure. On revient sur nos directs, toujours, notre direct, pour l'instant il n'y en a qu'un, c'est un tennis, Jean-Alfred Tsonga, qui affronte Andrei Rublev, le russe, 5 jeux de 3 pour le russe, qui sert pour le gain de la première manche, c'est bien sûr le Rolex Paris Masters, première journée, et puis on déterra tous les résultats de cette première journée tout à l'heure, où il y a notamment deux Français qui se sont imposés, et puis bien sûr on évoquera le programme de demain. Du rugby, avant d'attaquer le tennis, justement. Du rugby avec cette Coupe du Monde, bien sûr. Et qui arrive bientôt à la fin. On va revenir d'abord sur les demi-finales qui ont eu lieu samedi et dimanche. Samedi et dimanche, cette demi-finale avec d'abord la première demi-finale samedi qui mettait aux prises l'Angleterre-Nouvelle-Zélande, un peu une finale avant l'heure. Victoire des Anglais qui font tomber les doubles champions en titre néo-zélandais. Les Anglais qui ont bien démarré très rapidement avec un essai dès deux minutes, deuxième minute de jeu par Chulagi qui a marqué ce premier essai, transformé par O'Farrell. Et puis derrière s'en est suivi quatre pénalités anglaises par Ford à chaque fois, tandis que les Néerlandais revenaient après une heure de jeu avec un essai de Savea. Mais finalement, eh bien, c'est bien les Anglais qui tiennent, qui ont tenu avec une victoire 19-7. Et on rappelle 4 ans après leur échec à domicile, hein, les Anglais qui sont en finale cette fois du Mondial, après un match plutôt quand même bien maîtrisé, hein, face à des Blacks qui ont finalement été peu inspirés sur cette rencontre et qui laissent leur titre en jeu désormais. On verra bien sûr samedi le vainqueur. L'autre demi-finale qui se jouait hier entre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud, un petit peu moins alléchante en tout cas sur le terrain, puisque seulement un essai de chaque côté. Un essai d'abord pour les Gallois, marqué tardivement à la 65e par Adams, alors que de l'autre côté c'est l'Afrique du Sud qui marquait d'abord le premier essai à la 57e, mais les Gallois qui avaient fait le boulot avant avec Bigard, notamment à la pénalité qui avait été très précis comme toujours. Pollard du côté sud-africain qui a permis en fin de rencontre de prendre l'avantage 16-16 jusqu'à la 76e, et puis une pénalité de Pollard enfin qui permet aux sud-africains de s'imposer pour 3 petits points. Voilà, et finalement les sud-africains assez accrochés tout au long du match ont réussi à inverser cette rencontre pour du coup se qualifier pour cette finale face à l'Angleterre. La finale samedi à 10h, Angleterre, Afrique du Sud, c'est donc samedi à 10h, évidemment sur TF1. Et puis il y aura également un match pour la troisième place. Ça sera vendredi matin. Alors je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Non, je crois que c'est les vacances, ça va encore. Mais quand même, Nouvelle-Zélande Galles, vendredi à 10h. À 10h, oui. Là aussi sur TF1, pour cette petite finale. Et puis donc samedi matin, la grande finale, évidemment. Voilà pour cette Coupe du Monde donc qui approche du terme. Et puis il n'y avait pas de. Pour une fois, il n'y avait pas de top 14 en même temps que cette demi-finale. Il y aura en revanche une prochaine journée qui aura lieu de top 14. Ce sera la 9e. Là encore, pas ce week-end, mais la semaine prochaine. Donc là, on laisse la Coupe du Monde se terminer avant de rattaquer ce top 14, bien sûr. Voilà pour le rugby, donc. Et bien sûr, on regardera cette finale. Pour voir peut-être le deuxième titre des Anglais dans cette Coupe du Monde, ou peut-être un nouveau titre pour les Sud-Africains. On verra en tout cas samedi matin cette finale. Voilà pour le rugby. Ça continue au tennis. Des breaks de Tsonga qui a débreaké au dernier moment, puisque Rublev servait pour le premier set 5-4, et Tsonga qui va servir maintenant pour recoller à 5 partout. Il n'est pas fini ce premier set encore, et on va bien sûr suivre la fin de ce premier set. Tennis, justement, revenons sur d'abord les événements de la semaine dernière, avec deux tournois qui se jouaient. Le premier, c'était à Vienne, donc deux ATP 500 qui se déroulaient. À Vienne, c'est le local Dominic Thiem qui s'est imposé, qui a battu en finale Diego Schwartzmann en 3 manches, 3-6, 6-4, 6-3. A noter une belle performance de Gaël Monfils qui a atteint les demi-finales, battu en 2 manches par Schwartzmann. Donc une belle semaine pour Gaël Monfils. Et puis l'autre tournoi de la semaine, c'était à Bâle, où une nouvelle fois le Suisse Roger Federer s'est imposé. 10e titre à Bâle chez lui pour le Suisse, qui a survolé la semaine de cette semaine d'ATP 500. Premier match face à Gozovic, 6-2, 6-1, un peu plus d'une heure. Face à Albo, 6-0, 6-3, là aussi un petit peu moins d'une heure, qui a profité ensuite du forfait de Wawrinka en quart de finale avant de battre Tsitsipas en demi-finale 6-4, 6-4. Et puis enfin hier, face à Demi-Nord, 6-2, 6-2, en peu plus d'une heure. Il a littéralement surveillé son tournoi et remporte donc le 103e titre de sa carrière et le 10e à domicile à Bâle. Et dans la foulée de ce titre, il a annoncé ce matin donc le forfait pour ce Rolex Paris Masters qui aura lieu toute la semaine. Ça faisait quelques jours qu'on pouvait le craindre et ça a été confirmé ce matin. Il ne participera pas à ce tournoi cette semaine en vue de se préserver pour le Masters de fin d'année à Londres, bien sûr, qui est l'objectif principal de cette saison pour lui. Cette semaine, donc, quand même un beau plateau malgré l'absence du Suisse. On aura bien sûr Novak Djokovic qui sera lui tête de série numéro 1, bien sûr, et qui ne jouera pas le premier tour, bien sûr, tout comme Nadal qui affrontera lors de son premier match le vainqueur de Manarino Rudd, qui se jouera tout à l'heure d'ailleurs. On aura côté français Tsonga, donc toujours en direct, Benoît Paire s'est qualifié tout à l'heure en battant Zumur 7-5, 6-4. Gaël Monfils qui qualifié pour le deuxième tour. Gilles Simon face à Shapovalov, pas facile pour démarrer. Hugo Humbert qui a bénéficié d'une world card pour le tournoi, démarrera lui demain face à Dimitrov, là aussi un tirage compliqué. Chardy qui a battu Couret tout à l'heure en 3 manches 5-7, 6-3, 7-5. Corentin Moutet, le jeune français, lui qui a bénéficié d'un forfait de dernière minute pour s'intégrer dans le tableau principal, puisqu'il avait été sorti des qualifs, mais il a eu un peu de chance sur ce coup-là. Il démarra et il aura peut-être, s'il passe ce premier tour, un Novak Djokovic à affronter au deuxième tour. Les bails, c'est ils passent. Voilà, c'est les têtes de série en fait qui passent déjà les tours. Voilà, qui ont un tour de gratuit quoi. Sympa. Sympatoche. Voilà, et les petits LL, Lucky Loser, c'est les. Bah, ceux qui bénéficient d'un forfait. LL, Lucky Loser. Qui avaient perdu en qualif et qui sont empêchés grâce à des forfaits de dernière minute. Comme, je crois que c'est. Alors, comme Federer a annoncé son forfait, c'est Zumur, je crois. Oui, au-dessus. Top. Qui a. Ou Sepi, je crois. Sepi qui a intégré le tableau. Puisque. Et du coup, lui. Et en plus, il joue pas. En plus, puisqu'il a pris la place d'une tête de série. Donc lui, c'est tout bénef. Tout bénef. Il était repêché, en plus, il a un tour gratuit. C'est comme ça. Tant mieux pour lui. Voilà, donc cette semaine, beau plateau quand même. Aujourd'hui, donc, qualification de Radu Albo, de Marin Cilic, de Struff, de Verdasco. Pas encore retraité, mais qui en plus a battu Koreshka dans un gros match. Raonic qui est passé, Garin. Chardy perd, on le disait. Et puis peut-être son gars, malheureusement, qui a perdu la première manche. Finalement, il a été rebreaké derrière le français. 6-4 pour le russe et démue dans quelques secondes de la deuxième manche. Et puis, Ruud Manarino, ce sera dans la foulée de ce match. Et puis demain, on le disait, il y a encore pas mal de matchs au programme. On aura qui demain? On aura Demi-Nord, on aura Tiafoe qui vont jouer. John Isner. Ah non, lui il est qualifié pour le deuxième tour, donc il ne jouera pas demain. Tout comme Zverev, Sim qui joueront plus tard. Kachanov qui est lui qualifié aussi pour la suite. Et le deuxième tour nous promet déjà quelques affiches. Chardy, Medvedev, gros défi pour le français. On aura Gaël Monfils face à Benoît Paire. Les deux français vont se rencontrer au deuxième tour. L'avantage c'est qu'il y en aura au moins un qui sera au troisième tour, c'est déjà pas mal. Zverev, Verdasco, Raonic, Sim, Wawrinka, Cilic déjà très tôt. Ou encore Kachanov, Struff, donc des belles affiches. Et puis bah, bien sûr il y aura ensuite l'arrivée de Djokovic et de mon fils de Nadal à partir de mercredi et donc à partir du deuxième tour. Voilà pour le soir de cette semaine. Et puis bah ensuite il y aura encore deux tournois au programme. Le Masters de fin d'année pour les jeunes joueurs, Next Gen, et puis il y aura ensuite bien sûr le fameux Masters classique avec les 8 meilleurs joueurs de l'année, le Masters de Londres qui aura lieu je crois mi-novembre si je dis pas de bêtises. Ce sera si ça veut bien s'afficher le 10 du 10 au 17. Et puis bien sûr il y aura la Coupe Davis, nouveau format aussi qui aura lieu juste après avec une étape à Madrid où la France rencontrera le Japon et la Serbie avec la présence de Djokovic. Donc pas facile pour les Bleus. On avait parlé la semaine dernière, la composition française elle est plutôt classique. Voilà pour le tennis. Et puis un mot sur les classements où Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Et cette semaine, on sait qu'à la fin de la semaine, ce sera Nadal qui passera numéro 1 mondial, quoi qu'il arrive. Peu importe l'issue de ce tournoi, pour Djokovic ou pour Nadal, l'Espagnol reprendra la première place mondiale au Serbe. Et peut-être que le Serbe la récupérera après le Masters. Et le premier français, c'est Gaël Monfils. Ouais, qui est 13ème, il a gagné une place la semaine dernière après sa demi-finale à Vienne. Donc il passe devant Goffin, notre ami belge. Ouais, c'est ça, ils ont inversé leur place. Grosse progression pour Demi-Nord, sa finale à Bâle avec 10 places, il est 18ème, c'est son meilleur classement en carrière. Benoît Paire qui a pris 2 places, Lucas Pouille, là, ils sont au top dans presque le top 20. Tsonga, qui continue sa folle remontée, il est 35ème. Il a repris une place, celui qui était au-delà de la 100ème place en début d'année, et avec son beau tournoi à Orléans aussi. Voilà, donc il a comme grappillé quelques points. Gasquet, lui, qui a un peu reculé, qui est quand même loin. Chardy, Herbert. Pas mal de Français quand même dans le top 100. Jusqu'à Corentin Moutet, qui est le dernier Français, 97e. Voilà pour le tennis. Et puis chez les femmes, c'est la fin aussi du championnat, enfin de l'année, où on a déjà joué le Masters. Masters pour les Masters numéro 2, mais le Masters classique a démarré avec les premiers matchs de groupe, et bien sûr on relève ce week-end les demi-finales et la finale où la numéro 1 mondiale est assurée de conserver sa place après ses premiers résultats. Voilà pour le tennis, et on suivra bien sûr la deuxième, peut-être même troisième, on espère 7 de ce match pour le français Tsonga, qui a mal démarré sa rencontre. Et puis dans 10 minutes, Valenciennes-Le Havre, c'est en Ligue 2. Ce sera sur Canal Plus Sport, et un peu plus tard il y aura du championnat portugais aussi. Justement, transition avec le foot. Après une petite pause, on aura du foot avec notre championnat européen, ouais. Et puis bien sûr enfin, la Ligue 1 et la Ligue 2, avec un passage par les Coupes d'Europe pour revenir sur les mauvaises performances malheureusement françaises cette semaine, enfin la semaine passée. Calvin Harris et Ragged Bonman pour. Tu me connais quand même. Giant. C'est parti. Allez, à tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel. 20h36. On se retrouve après ça. Bisous. Without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, shake all the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt. Ragged Bone Man et Giant et donc Calvin Harris bien sûr également pour ce nouveau titre. On poursuit avec donc le foot tout de suite et bien évidemment notre point complet sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. On a perdu Jérémy qui est parti je ne sais où. On aura pas Jérôme ce soir malheureusement qui ne sera pas avec nous. Mais évidemment, on le retrouvera. Bah le voilà. On le retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, pour la semaine, l'émission de la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le foot, donc. Et revenons sur d'abord ce qui s'est passé à l'étranger, un petit peu faire le tour de ce qui s'est passé dans les quatre autres championnats principaux européens. Commençons avec l'Allemagne. Où le Bayern s'est imposé sur sa pelouse face à l'Union Berlin 2 buts à 1. Pour Dortmund, c'est un match nul à l'extérieur à Schalke 0-0. Lucien Favre est sur la sellette. Hein. Ouais, après ce nouveau mauvais résultat, c'est un petit peu compliqué pour le coach Lucien français. Favre, ouais. 0-0 à l'extérieur pour Lucien Favre. Et puis le leader, c'est toujours Borussia Mönchengladbach qui a battu Francfort 4-2, qui est en tête avec 19 points, le Bayern 18 points, Fribourg et Wolfsburg 17 points, Dortmund est 5ème 16 points, qui n'est pas décroché, mais qui n'est pas sur le podium. Non. Leipzig, Schalke, Leverkusen 15 points, c'est assez serré quand même. Oui, voilà. Jusqu'à la 10ème place, 14 points, il n'y a que 5 points de retard, c'est pas énorme. Par contre, après, il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus reculée. Avec une zone rouge à Augsbourg, 7 points, Paderborn 4 points, qui vient juste de remonter en première division. En Italie, c'était cette nouvelle journée de Serie A, la 9e, ouais. Avec le match nul de la Juve qui a été tenu en échec à l'extérieur à Lecce. Le carton de l'Atalanta Bergame, 7-1. Ouais, face à Udinese, ouais, le carton, ouais, on peut le dire, ouais. Un match nul aussi pour le Napoli à la Spal, un partout. La victoire de la Roma dans le derby face au Milan AC, 2 buts à 1. Et puis le dernier match, il y a aussi l'Inter qui a fait match nul face à Parme 2-2. Et la victoire de la Lazio à la Fiorentina 2-1, où un Franck Ribéry a pété les plombs. Un plomb, ouais. Ouais, il a pris 3 matchs pour ça, pour avoir bousculé. C'est officiel, alors ça y est. L'arbitre, il a pris 3 matchs. Ouais. Et là, il a. S'est excusé très rapidement après cet égarement. Ouais, donc ouais, il est sorti d'abord, son coach a sorti, il a déjà un petit peu râlé. Et puis ensuite, un but d'Immobilier pour la Lazio en fin de match, qui a un petit peu, alors pas forcément, pas que Ribéry, mais aussi les autres joueurs qui ont un petit peu pas plu aux joueurs, puisqu'il réclamait une VAR. Et puis finalement, en fin de rencontre, Franck Ribéry est venu bousculer un petit peu l'arbitre assistant et qui a valu ses 3 matchs. Voilà. Il ne recommencera pas, j'imagine. Non. Pourtant, ça se passait plutôt bien avec la Fiorentina jusque-là. Mais ouais, gros départ, hein, très bon départ de la Fiorentina. Le classement, la Juve a 23 points en tête qui vient d'arrêter sa série, qui était. Sur une série de 4 victoires consécutives, l'Inter à 2ème 22 points qui a s'accroche, le Bergame 3ème 20 points, Naples 4ème 17 points, la Roma 16 points, la Lazio 15 points, Fiorentina 9ème 12 points, Et puis Milancé qui est pas très bien, hein, qui est 13ème seulement avec 10 points et qui a beaucoup de mal dans ce début de saison. En bas, Brescia, Spal et Gênes sont les relégables pour le moment dans ce calcio. En Espagne, une journée sans match pour la pour le Real ni pour le Barça, puisque les deux devaient s'affronter dans le derby donc au Barça, et match qui a été reporté en raison des de ce qui se passe en ce moment en Catalogne et les différentes manifestations. La Ligue a préféré reporter cette rencontre au 18 décembre, la date qui a été décidée en accord avec les deux clubs. Donc le 18 décembre, ce sera pourquoi le 18 décembre, parce que la phase de poule de Ligue des Champions sera terminée, tout simplement. Donc ça arrange les deux clubs. Ça n'arrange pas forcément la Ligue, ça arrange plutôt la Fédé, qui sont un peu en désaccord d'ailleurs, et ça arrange surtout les deux équipes qui vont pouvoir jouer sans avoir joué dans la semaine. Autrement, quelques résultats quand même dans cette journée. L'Atlético qui a battu Bilbao 2-0. Et puis le leader, c'est Grenade, ouais, qui a battu Séville, le Betis, et qui permet à Grenade d'être en tête avec 20 points. Le Barça 19 points provisoirement, la Real Sociedad 19 points aussi. L'Atlético, Séville 19 points toujours, le Real 18 points, mais là aussi un match en moins. Et puis en bas, c'est le Betis Séville, l'Espanyol Barcelone et Leganés qui ferment la barre. Exactement. Avec 5 points. 5 petits points seulement, et les 3 premiers qui la première victoire c'était ce week-end d'ailleurs pour eux. Oui. Et enfin, en terminant la première ligue, où il y a beaucoup de choses encore ce qui se sont passées ce week-end dans cette 10e journée. On parlait du carton en Italie, il y en a eu un aussi en Angleterre, où Leicester a battu Southampton 9-0. Oui, c'est la dernière fois, c'était aussi Southampton qui avait pris 9-0, et c'était le c'était le, j'ai un problème de casse. Ah, est-ce que c'est mieux? Non. Change de casque peut-être. Oui, c'était Southampton déjà qui en avait pris 9 la fois passée, je ne sais plus contre qui d'ailleurs. Et c'était le gardien Peter Schmeichel en fait, qui était le fils, le père de. Attends. J'entends plus. Enchaîne. Ouais, bon, en tout cas, c'est plutôt les spécialistes de ces 9-0, les. Malheureusement, ça, Southampton. Alors, ça, ils n'ont pas été aidés parce qu'ils ont pris un rouge très tôt, 12e minute de jeu. Ils ont pris un rouge assez tôt dans le match. Et on a. Allô oui, est-ce que c'est bon. Mieux Oui, c'est bon. Un triplé pour Jamie Vardy, notamment. Oui. Dans cette rencontre. Pour le démarrer cette journée, City qui bat Villa 3-0. Chelsea aussi, victoire à Burnley 4-2. Liverpool qui était mené par Tottenham 1-0. Et l'ouverture du score très rapide de d'Harry Kane, première minute, et finalement qui s'impose grâce à Henderson et Salah. Liverpool qui continue sa grosse série. Arsenal tenu en échec par Crystal Palace 2-2. Et enfin une victoire pour United à l'extérieur, c'est à Norwich 3-1. Le classement, Liverpool est évidemment toujours en tête avec 28 points. Un seul petit nul dans cette grosse série de 10 matchs pour l'instant, et qui vraiment domine ce début de championnat. City s'accroche, mais c'est compliqué, deuxième avec 22 points. Leicester, Chelsea 20 points. Après, il y a un petit fossé avec Arsenal 16 points. United est 7ème, 13 points. Tottenham bien décroché, 11ème avec 12 points. Évidemment, avec un Lloris blessé, ça aide pas. Et en bas, Southampton, qui est évidemment dans la zone rouge, 8 points. Norwich 7 points, Watford 5 points. J'espère vraiment que cette année Chelsea sera champion et qu'ils ne perdront pas le titre à la dernière journée. Liverpool pardon, ouais. Chelsea. Ouais, bah oui, ce sera, comme l'an passé, ouais. Ce serait magnifique. Là, c'est bien parti, mais il reste du temps, ouais. Voilà pour l'Angleterre, et puis on va faire un petit crochet par les Ligue des Champions. À noter qu'en Angleterre toujours, cette semaine on joue la Coupe de la Ligue, et non pas la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise. Cette semaine c'est le 4ème tour, c'est-à-dire les 8ème de finale. Il y a 8 matchs évidemment au programme, notamment City reçoit Southampton. Est-ce qu'il y aura encore un carton au programme? Peut-être. Liverpool, Arsenal, c'est la fiche de ces 8ème. Chelsea, et puis Chelsea United aussi. Ouais. Il y a quand même des bons matchs. Hein. On va perdre deux gros dès les 8ème. C'est comme ça, c'est le tirage. Donc de cette Coupe de Ligue et les matchs seront, je crois, demain et mercredi soir. Voilà, pour les rencontres de ce quatrième tour, de ces huitièmes de finale. En Coupe d'Europe, c'était la troisième journée, je crois, oui, de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Avec d'abord les clubs français, on va pas parler de tous les groupes, tous les matchs de Ligue Europa, parce qu'il y en a un certain nombre, mais on va parler bien sûr des deux clubs français qui sont engagés dans cette, je sais plus d'ailleurs dans quel groupe ils sont là. Bah, il y a Rennes qui est là dans le groupe E, qui arrache le premier point dans cette. Valence, Lille, on parlera après qui a arraché un point. Rennes battu à domicile par Cluj 1-0. Alors on se demande si les clubs français jouent vraiment cette Ligue Europa depuis quelques années, puisque moi je me demande si le niveau du foot français est... aussi. Est-ce qu'on peut aller rivaliser en fait ça là, sur... Enfin Cluj quand même. Merde. Ouais, mais... Je sais pas, Rennes, c'est... mais Rennes c'est pas mal cette année. Et... Ils étaient sur deux mois sans victoire. Hein. Ils ont gagné ce week-end, mais ils étaient sur deux mois sans victoire. Ouais. Ouais, pas mal, c'est pas mal. C'est bien démarré. Ouais. Bah Cluj 1-0 défaite. C'est déjà compliqué pour Rennes. Puisque Rennes est dernier avec 1 point, Lazio 3 points, Cluj 6 points et Glasgow 7 points. Donc autant dire déjà que le prochain match, il est décisif et c'est un déplacement à Cluj justement pour les Rennais qui sont déjà quasiment éliminés de cette Ligue Europa. Et puis l'autre club français, puisqu'il n'y en a que 2 hein, cette année dans cette Ligue Europa, c'est Saint-Etienne qui, dans ce groupe I, a 2 points puisque... Ils ont arraché, c'est bien Saint-Etienne qui a arraché ce match nul à domicile face à la modeste équipe de Alexandria, un partout. 2 points pour Saint-Etienne et Alexandria, 5 points pour Wolfsburg et la Gantoise. La même chose, Saint-Etienne pourrait déjà être éliminé lors de la prochaine journée à extérieur, donc à Alexandria. Ce sera dans la semaine prochaine en fait, le 7 déjà, ça va vite revenir. Donc voilà pour le point dans la Ligue Europa où on n'a pas eu de victoire malheureusement. En Ligue des Champions, c'est un petit peu mieux, où Paris s'est largement imposé face à Bruges à l'extérieur en Belgique 5-0. Le Paris Saint Mbappé. Ouais. Incroyable, voilà, ouais. Il rentre et voilà comment un joueur de classe mondiale, mondiale maintenant, ouais. Ouais, mondiale peut changer un match. C'est incroyable. 3 buts et une passe décisive. C'est ça. C'est ça hein. Il rentre à la 57e. Marque à la 61e, il fait une passe D à la 63e. Et deux autres buts. Et deux autres buts derrière. Enfin, il marche sur l'eau, ce mec-là. Il revient de blessure, il est déjà à 100%. Ouais. Incroyable. Et puis un doublé pour Icardi aussi. Icardi qui fonctionne bon, hein. Bien, parce qu'on verra aussi sur le Classico qui marque deux buts hier soir. Ouais. Et voilà, il a trouvé ses marques et je pense que là, Paris. Il y a une belle équipe, ouais. Il y a une belle équipe. Après, ça reste Bruges. Hein. Mesurer. Les huitièmes sont. Il faut savoir raison garder. Voilà, parce que bon, après il manque Neymar, Cavani n'a pas trop joué encore cette saison. Mais est-ce que Neymar est indispensable? Non, moi je crois pas. Il gagne très bien sans Neymar et voilà. Neymar, il est décisif ces derniers matchs contre Amiens ou des choses comme ça. Mais c'est ça. Voilà, et en Ligue des Champions, moi je crois que. Parce que là, le Icardi Mbappé, ça fonctionne très bien avec un Cavani en plus. Voilà. Je crois que c'est. Di Maria, c'est pour moi un joueur de Champions League. Indispensable maintenant. Ouais. Il est indispensable. C'est vraiment. Il est devenu indispensable. Un grand joueur. On a un Verratti qui cette année marche sur l'eau en plus. J'ai l'impression que dans la tête, ça a grandi aussi. Ça a mûri, ouais. Ça a mûri. Et donc voilà, à mon avis, on aura peut-être moins de cartons comme chaque saison en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a une belle équipe pour cette année. Pour faire une belle, un bon parcours. Un beau parcours, j'espérais. Le Real qui a remporté son premier match en Turquie à Galatasaray. Et ça n'a pas été facile, 1-0 seulement. Et c'était indispensable pour les Madrilènes de s'imposer. Paris 9 points, Real 4 points. Bruges 2 points, Galatasaray 1 point. Paris qui est déjà quasiment qualifié, hein, pas tout à fait, mais presque pour les 8e. Et qui recevra Bruges justement mercredi prochain. Ouais, déjà pour tenter de se qualifier définitivement pour les 8e. Allez Paris. Et presque s'assurer une première place déjà. Ouais. Voilà pour ce groupe de Paris. À noter dans les autres matchs, le Bayern est leader dans son groupe. Alors Tottenham est deuxième. Ça c'est au groupe B. City est sans faute 9 points, 3 victoires, 3 matchs, 10 buts marqués, 1 but encaissé. Je crois que Paris est mieux. Hein. Paris doit être mieux parce que Paris n'a pas pris de but. Non, n'a pas pris de but déjà. Et 9. À... Ouais, bah c'est la même. Pareil. Il n'y a pas de but. Pas de but encaissé, c'est la différence. Puis il y a un 3-0 contre le Real Madrid. C'est surtout ça, oui. Parce que City n'a pas joué le Real. City a joué Zagreb, Donetsk et Bergame. C'est pas un groupe. Hein non, on est d'accord. Pas la folie. Qui vient de gagner 5-1 face à Bergame. C'est le premier but encaissé. Donc City est bien sûr en tête. La Juve en tête avec Madrid 7-7. Moscou 3 et Leverkusen 0. C'est bien parti pour les deux pour se qualifier dans ce groupe. Naples 7 points. Liverpool 6 points. Voilà. Et qui sont aussi en bonne position pour aller se qualifier pour les 8e. Ouais. Le Barça 7 points. L'Inter 4 points. Qui va jouer certainement le NBA avec Dortmund qui a 4 points aussi. On est pour l'instant dans cette configuration, même s'il reste encore 3 matchs. Rappelons-le, 9 points encore à prendre. Et puis rentrons avec les clubs français. Lyon qui a perdu 2 points précieux, 1 point précieux, peut-être même 3, puisqu'il y aura peut-être même pu y avoir une victoire face à Benfica. Défaite 2-1 des Lyonnais qui donc ont. Perdu ce match bêtement face. Ah bah il y a une grosse erreur d'Anthony Lopez sur une relance. Hein. C'est ouais, en fin de match 86e. C'est incroyable. C'est dommage. C'est dommage. Mais après, enfin, ça reste un grand gardien. Hein. Ça reste. Oui. Anthony Lopez. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. À mon avis au mauvais moment. Mais rien n'est fini. Hein. Non. Il va falloir cartonner déjà en recevant le Benfica. Ouais. Faut prendre les 3 points absolument contre le Benfica. Absolument, ouais. Pour se relancer. Si, parce que derrière, c'est Zenit Leipzig. Si le Zenit gagne, ça peut être compliqué après. Oui, si Zenit, oui. Dans le même temps. Mais non, c'est pas Rapados encore. Non, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, ça, avec un point de plus, bah, il y aurait une deuxième place. Ouais. Bon, c'est Leipzig qui domine avec 6 points dans ce groupe. Et puis, bien sûr, Lille, qui va avoir beaucoup de mal à aller plus loin, qui a pris un point contre Valence, un partout. En fin de match, hein. Qui a arraché, ouais. C'est toute fin de match. Et qui marque son premier point. Chelsea et Amsterdam ont déjà 6 points. Voilà, il reste 3 matchs. Valence a 3 points d'avance. Même pour une place pour les Ligue Europa, c'est déjà compliqué. Il faudra absolument, là aussi, s'imposer à l'extérieur à Valence la semaine prochaine. C'est pas bien quand même quand tu sais que tu vas aller à Chelsea, à Valence. Oui, tu fais deux déplacements. En plus, voilà. Tu fais deux déplacements chez les grosses équipes. Donc là, c'est quand même pas. Ça va être compliqué. Même pour la Ligue Europa, pareil. Ouais. Voilà pour. Ils ont toujours pris un point de plus que Marseille quand ils étaient en Ligue. Il y a quelques années, ouais. C'est vrai. Oui. Même s'ils arrêtent là, oui. Ils ont pris un point de plus. C'est vrai. Voilà donc. Plutôt un bilan mi-raisin, comme on dit, pour le club français dans cette troisième journée. Ça va pas arranger l'indice UEFA, malheureusement, non. Pour l'instant. Si l'on est. Passons en France avec juste un passage. Je crois qu'il y a peut-être de la Coupe de la Ligue cette semaine. Non, parce que... Tu regardes encore ça, toi? Non, bah non, mais bientôt on la regardera plus du tout, c'est l'avantage. Ouais. Il y aura plus à s'en occuper puisqu'il n'y en aura plus. Puisqu'il y a de la Coupe de Ligue en Angleterre, je crois que, oui, c'est. Puisqu'on joue en même temps que les Anglais. Cette semaine, c'est les 16e de finale, et non pas les 8e comme en Angleterre, les 16e de la Coupe de la Ligue. Donc 16 beaux matchs, magnifiques, au programme. Dès demain, il y a des matchs à 18h45, Nîmes-Lens. À 21h, Bordeaux-Dijon. Magnifique. Le Mans-Nice, c'est... Ah, tu mets une place de côté pour Le Mans-Nice. Ah, c'est demain. Lequel? Le Mans-Nice. C'est mercredi. C'est mercredi. 8h45. Ouais, Monaco-Marseille. Tiens, j'ai peut-être allé me déplacer. Tiens, j'ai peut-être allé voir Le Mans-Nice. Tiens. C'est pas mal, Le Mans-Nice. Ça peut être sympa. C'est une petite... Pas très loin. Ouais. Monaco-Marseille, c'est à 21h. Peut-être le meilleur match de ces 8 16e. Il n'y en a pas beaucoup de beaux. Hein. Il y a aussi. Il y a Reims-Bourg-en-Bresse. Magnifique, ouais. Oh la vache. Niort-Toulouse, Montpellier-Nancy, ça c'est aussi mercredi soir. Il y aura aussi Metz-Brest, Amiens-Angers, Nantes-Paris-FC. Voilà, on a fait le tour. Donc voilà, hormis Monaco-Marseille. Parce que Paris, il rentre après, non c'est, qu'est-ce Il rentre en 8e, ouais. Les Européens, donc Paris, Lille et Lyon, et bah, c'est tout. Saint-Etienne et Rennes. Voilà, rentreront en 8e. D'accord. Voilà. Ouais. Magnifique. Coupe de France, on en est où à quel tour on est là? Parce que on est au septième tour, je crois. Ouais, donc c'est pas encore. Dans le même temps, le temps que tu trouves la Coupe de France, Valenciennes-Le Havre, 13e minute, ah oui. 0-0 dans ce direct de ce soir. Et au tennis, Rublev, sur le deuxième set, Rublev-Tsonga, 3-3, et c'est Rublev qui a le service, sachant qu'il a gagné le premier set, 6-4. Ouais. Rémi, le sixième tour, enfin là, on a passé le sixième tour ce week-end. Ouais, oui, c'était le sixième tour samedi et samedi, dimanche. Oui, et d'ailleurs, on a c'est sûr, des clubs de la Ligue qui ont joué. Le temps pour nous d'aller regarder, checker ça. Et après, bien sûr, on parlera de la Ligue 2 et la Ligue 1 qui nous ont animés tout le week-end. C'est mon week-end. Pas on a passé notre week-end à regarder ça. Donc le sixième tour de cette coupe de la Ligue, de cette coupe de France, pardon. Qualification de Tours au tir au but même face à Amiens, un partout dans le temps après 120 minutes. Et Tours se qualifie face à Amiens. Alors Amiens qui a failli faire l'exploit d'aller sortir Tours, mais malheureusement au tir au but ça n'est pas su. Tir au but aussi pour Montlouis qui a battu Blois, Boulafoot 41, là aussi 4-2, sans le même score. Bourges est sorti qualifié face à Avoine 4-1. Qualification de Chartres face au Portugais de Tours 2-0. Saint-Privé se qualifie en battant Saint-Jean-le-Blanc 5-1. Voilà les 5 matchs qui étaient au programme, puisqu'il n'y a plus que du coup 5 clubs de ligue, plus se rajouteront l'USO, Châteauroux, et voilà, je crois, hein. Ce sera tout, hein. Puisque voilà, 6ème tour, et je crois que après nous allons passer à partir du 7ème tour, si je dis pas de bêtises, en phase. Plus régional mais national. Je sais plus comment c'est fait, mais il y a même un 8ème tour où la Ligue 2 doit rentrer. Ouais, ouais, c'est le 8ème tour. C'est ça, hein. Donc l'USO. Donc l'USO et Châteauroux. Et Châteauroux. Même si, bon, ça va pas bien ni pour l'un ni pour l'autre, hein, d'ailleurs. Mais encore moins pour Châteauroux, je crois. Bah, non. Justement, toute cette transition. Cette Ligue 2 là. Ouais. Alors, c'était la 12e journée ce week-end avec un beau 0-0 dans silence. 0-0. Ouais. Sochaux qui perd sur son terrain face à l'AC Ajaccio 2-0. Grenoble qui s'impose à Auxerre 2-1-0. Et je sais pas lire les scores. Guingamp-Clermont 2-1 pour Clermont. En fait, il y a eu des défaites à domicile. C'est dommage ça. Le Mans, c'est rare, Le Mans, qui. Mais on m'entend là? Oui, on t'entend bien. Le Mans qui s'impose sur son terrain face à Niort 1-0. Et donc, on parlera après. Le Caen qui vient s'imposer sur le terrain du Paris FC 4-2. Rodez qui fait un bon début de saison et qui gagne 2-0 contre Chambly. Et Lorient qui perd sur son terrain aussi contre 3-1-0. Et c'est vrai qu'il y a eu deux victoires à domicile. Oui, après. Et le match nul de l'USO face à Châteauroux 1-1. Ouais. Avec beaucoup de regrets. C'est dommage, ce match nul ouais. Face à une équipe qui va être un concurrent direct en plus. Ça bug aussi. Ah, il n'y a plus rien chez moi. Non, on a plus un problème d'internet. Il n'y a plus rien du tout. Pas payé encore aussi. Face à un concurrent direct en plus. Donc c'est dommage de laisser deux points en chemin. Ouais. D'autant plus que là il y a un fossé qui se creuse. Hein. Donc on regarde le classement. Orléans 17e, 9 points. Le Mans 18e, 9 points. Châteauroux 19e, 8 points. C'est bien le club du secteur en tout cas. Ça, on tourne bien. Un beau tir groupé là. Centre, et le Paris FC aussi qui est pas très loin d'ailleurs. Dernier 8 points. Donc 9, 9, 8, 8. Et puis derrière, on a Caen 16e, 11 points. Et surtout après, ça monte Chambly 13 points. Donc là, il y a déjà 4 points de retard sur, on va dire, une zone un peu plus sécurisée. Donc c'est pas terrible. On a perdu Internet. On n'a plus rien. Lorient leader avec 24 points. Lens deuxième 22 points. Lorient de notre ami Landreau. Oui, c'est vrai, tout à fait, qui tourne très bien. Hein. Tourne très très bien. Ouais. Lens deuxième 22 points. Là, c'est Ajaccio 22 points. 3 22 points. Voilà le haut du classement. Milieu de tableau, Rodez, tu sais, qui était pas mal. Ouais, qui est 6ème avec 18 points. Hein, qui fait un bon. Ah bah, pour un promu, c'est intéressant. Hein. Ouais. C'est intéressant. C'est Chambly aussi promu et avec 2, puisque. Je crois que. Clairement, Chambly. Clermont? Clermont. Non, pas Clermont. Chambly. Rodez. Et il n'y en a eu que deux, puisque. Bah, Le Mans. Le Mans? À Le Mans, ils viennent de monter. Ah, ils viennent de monter, Le Mans, je sais plus. Bon, j'ai un doute. Parce que je sais pas le barrage en barrage. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah, je crois que ils sont déjà là depuis cette année, Le Mans. Bah, je sais plus, faut vérifier, mais. Bah, si on peut, on va pas pouvoir vérifier malheureusement parce qu'on n'a plus rien. Tout a sauté. Ouais. Mais c'est pas grave. Oui, puisque je crois que l'an passé. Attends, je vais vérifier. Bah, Chambly, Rodez. Pour moi, il y a Le Mans. Oui, Le Mans, c'est a sorti Gazec Ajaccio en barrage. Oui, donc trois équipes. Le Mans, Chambly et Rodez. Bah, il y en a une qui est bien, une qui est moyenne, puis une qui est pas bien du tout. Ouais. Ouais. Non, c'est en Ligue 1 où Dijon s'est sauvé. Ouais. Face à Lens. Oui, oui, exact. C'est ça. Il y a eu deux montées et deux descentes, du coup. On enchaîne avec la Ligue 1. Oui, juste vous avant le infos, programme de, la... ah, oui. De samedi, de vendredi. Orléans va à Caen, qui est pas bien non plus, qui est 16e, avec deux points d'avance. Donc, ça, c'est pareil, c'est des points. C'est victoire impérative, parce que là, après, ça va être très compliqué. Ça va devenir... Oui, parce que sinon, c'est un match à 6 points, presque, en fait. Oui, enfin, oui, ça... oui. Donc, là, il faut absolument. Bah, il sera points. À 5 points devant, après ça commence à être très compliqué. Ouais, ouais, ouais, là il faut absolument aller chercher des points et encore mieux une victoire. Donc oui, finissons. Ça revient, non? Pas encore. Ouais, c'est revenu, c'est revenu. Ah. Finissons avec la Ligue 1, bien sûr. La Ligue 1 avec la 11e journée et la victoire de Monaco sur Nantes 1-0. La victoire de Lille 3-0 contre Bordeaux. Reims, ouais, Bordeaux, Nîmes. Ne se départage pas avec 0-0. Montpellier-Angers, pareil. Brest qui bat Dijon 2-0. Strasbourg sur son terrain qui bat Nice 1-0. Lyon qui bat Metz 2-0. Ça fait du bien pour Lyon, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de points, ouais. Rennes aussi qui avait besoin de points, qui bat Toulouse 3-2 dans un match, un très très beau match. Et là, il n'y a pas du mot. Ah oui, 3-2, ouais. Ouais, c'était beau match. Ouais. Ouais. Saint-Etienne, Amiens 2-2. Et le 4-0 de Paris d'hier soir, un match à sens unique dans cette première mi-temps. Avec comme buteur doublé d'Mbappé et d'Icardi. Ah bah, en fait, ils ont fait une semaine énorme. Ils ont fait, voilà, on est sur 4 et 5 buts pour les deux attaquants. C'est des attaquants très prolifiques. Et l'attaquant très prolifique aussi, c'est à Monaco avec Ben Yedder. Qui est meilleur buteur, je crois. Meilleur peut-être, buteur. Peut-être plus maintenant. Parce qu'il y a eu. Bah, il y a eu. Il y a eu des buts ce week-end avec. Avec Mbappé. Qui était pas mal aussi. Mais on va regarder. On va regarder si. Ben Yedder, si 9 buts. Moussa Dembélé, 7 buts. Victor Osimhen. Ah, il est loin, hein. 7 buts aussi. 7 buts. Habib Diallo à Metz, 7 buts. Islam Slimani. Et c'est. Monaco encore. Ouais, c'est quand même. Slimani et Ben Yedder, ça marche bien. Ouais, c'est ça, ça marche bien. Ah, il est loin, enfin il est loin. Icardi il a 4 et Mbappé il est qu'à 4. Ouais, mais il a été blessé quand même pas mal. 4 en 6 buts, en 6 matchs. Mais Ben Yedder, 9 en 9 matchs, c'est quand même pas mal. Hein. C'est un bon ratio, ça fait un peu. Il est plutôt. Hein. Ouais, Slimani. Et Icardi aussi, 4 matchs, 4 buts. Ouais, il est aussi. Oui, quelque part, il. Ah bah il est prolifique sur les matchs. Parce qu'il a aussi un ratio de 1, mais il a joué que 4 matchs, donc il peut pas. Voilà, il peut pas marquer non plus. Il est pas. Et le dernier au classement. C'est Mathieu Dossévi avec un but en 11 matchs. Ouais, et ils ont même mis les joueurs qui ont un but. Ils ont tous mis en fait. Ouais. Tous ceux qui ont marqué, ils sont dedans. Ah ouais. Oh, Nicolas Depréville. Choupo-Moting avec 3 buts quand même. Ah ouais, bah ouais. Oui, il a marqué un peu au début, hein, au début de saison. Ouais, bon, bah voilà. Et le classement des clubs maintenant. Eh oui. Après ce débuteur. C'est peut-être important. Paris est bien évidemment leader. 4 victoires consécutives, 27 points. Nantes de deuxième 19 points qui est par contre là sur deux matchs sans deux défaites même pardon consécutives, ouais. Ça marque un petit coup d'arrêt, ouais. Lille qui se relance après 3 matchs en victoire, 18 points, troisième. Donc Reims qui est pour une bonne série aussi, puisqu'il y a eu qu'une défaite sur les 5 derniers matchs, et quatrième avec 18 points. Brest, Angers sont à 17 points. Brest surtout qui est sur 3 victoires consécutives, donc qui leur permet d'être à 1 point du podium. Bravo à eux. Marseille, malgré cette défaite hier, reste 7ème avec 16 points, mais une seule victoire en 5 matchs. Bordeaux 9ème, Montpellier 10ème, Monaco est 11ème, et qui reste sur 4 victoires en 5 matchs, qui a 15 points, qui était au fond du trou au début, ça... et qui n'est plus qu'à 3 points du podium. Ça a été très vite, mais c'est assez serré quand même, quand on regarde bien. Il y a déjà un fossé incroyable entre Paris et Nantes. Ouais, il y a déjà 8 points. Ouais, ouais, ça va aller vite. Hein. Lyon est 13e avec 13 points. 13 points pour Amiens, pour Nice. C'est vrai que de la deuxième, allez, si de la deuxième place, Nantes 19 points. Si on va jusqu'à à Nice 15e, c'est 13 points. Il y a rien. Non, non, non. Il y a 5 points. Ouais. 6 points. 6 points, c'est rien. Il y a quand même un problème de calcul. C'est le calcul de base en plus, Rémi. Oui, non, mais. Non, non, mais si, si, ça fait deux fois. Ouais. Allez, avec le podium, alors, il y a 5 points avec le podium. Si on veut... ouais. C'est rien. Ouais. C'est rien du tout. Et après, bon, bah, même en bas, c'est pas décroché. Hein. Non. Pour Nîmes 11 points, Metz 11 points, Dijon 9 points, un petit peu plus, mais ouais. Pas tant que ça. Le programme de la semaine, ben, on va le proposer avec les pronostics dans quelques minutes. Allez. Le temps de marquer une pause. Mais les problèmes, de, les promesses, pardon, de Big Flo et Oli. Allez, c'est parti. Ah, j'adore. C'est là. Et produits laitiers, non, c'est pas les produits laitiers. Ce sont nos amis pour là, ça faut pas oublier. Moi j'étais pote avec un pot de yaourt. Sympa, pendant un moment. Hein. Sympa. Quelques années. Hein. Quelques années. Et après, donc on revient pour les pronostics. C'est ça, et pour clôturer avec l'agenda. Pas de but encore à Valenciennes en Ligue 2. Qu'est-ce que fait notre ami de Tsonga, Rémi ? Eh bien, 5-4 pour Roublev, service pour le français, il n'y a pas de break. Qu'il le paume, hein. Attention, c'est, là, c'est pas le moment de perdre le service. Est-ce qu'on se dirige peut-être sur un tie-break ? On verra. Mais le temps pour nous. Et d'ailleurs, c'est 7ème tour, Ligue 2, pas. D'accord. Et pas c'est le prochain tour alors. Donc, ouais, et les matchs 16 et 17 novembre. Le tirage au sort. Dommage. La soirée noir et blanc. Ah bah oui. Je sais pas là. Bah, le dimanche non. Ouais. Le tirage au sort du 7ème tour, c'est mercredi dans 2 jours. Oui, il y a aussi le tirage de Coupe du Centre. Tout à fait. Fayologe, qui est encore en lice. Pour les 8e. Les 8e. C'est énorme. Non, les 8e. Ouais. Oui, ce sera 8. 8e. Non, 16e. Non, 16e. 16e. Ça dit non, pas mais mal. Ils iront en 8e, moi je le sais. Ce serait bien. J'ai eu les gars au téléphone. On ira. Donc, Coupe de France, bah, en fait, tous les tirages, c'est demain, mercredi. Hein. Ouais. Et 7e tour, donc entrée en liste de l'USO Châteauroux. Pour la Ligue, donc il y aura encore 7 clubs pour le 7e tour. Et après, les Ligue 1, c'est en 32e qui joueront en 2020 maintenant, début janvier. Voilà, et on rappelle que la finale sera le 25 avril, très tôt cette année, hein. Finale de la Coupe de France. Mmh. C'est vrai, c'est très tôt. Il y a l'euro, mais bon, même avec l'euro, ça fait un peu tôt. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour être complet sur la Coupe de France. Dans un instant, donc 5-5, pas de break. Tant mieux, ça tient pour Tsonga pour l'instant. Pronostic et agenda, et on se quittera. Mais avant ça. Les promesses. Voilà. J'aurais peut-être pas dû mettre le clip, mais je crois. Non, c'est pas le clip, justement. Je crois pas. Il y a une pub de 20 secondes, t'as tout gagné. Comme d'habitude. Ah, on a réduit un petit peu. Bah c'est parti pour ce dernier titre. Enfin, avant-dernier, puisqu'il y en aura un pour finir. Mais dans un temps, la dernière partie. Bien sûr, c'est parti. Il y a un petit souci de guitare au départ. C'est pas accordé. C'est ça. Allez, à tout de suite. Promets-moi, regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux. Conserve mes secrets, je tairai tes défauts. Pour toujours, il n'y aura que nous deux. On disait que c'était vrai, on savait que c'était faux. On s'était promis l'impossible, je l'admets. Je connais le prénom de nos enfants qui ne naîtront jamais. Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur. Et notre amour n'était pas qu'un amour d'été. On s'était partagé nos pensées vagabondes dans notre belle idylle avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde. Maintenant on va le faire, chacun dans son sens inverse. On a jeté nos promesses à la mer. Elle le voyait, elle qui était si sage, que tout serait effacé. L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage. Et puis la vague est passée. Ouais, c'est bon. promesses, les promesses, les promesses. Les promesses. Est-ce que tu penses aussi au premier rendez-vous? Les promesses d'aujourd'hui effacent celles de la veille. La terrasse était pleine, mais on voyait que nous. Tu m'as dit je prends un café, j'en vois jamais, j'ai dit pareil. On n'a même pas fini les films qu'on a commencé. De nos deux cœurs de pierre naissaient des étincelles. Rien n'avait de sens quand nos confiances étaient fiancées. L'amour transforme l'inutile en essentiel. Dans tes yeux j'étais moi, mon parfum se décide. Tu changeais mon matelas en grande plaque du Brésil. Ange tombé du ciel faisait taire mes démons. Je te disais tellement je t'aime, c'était presque ton prénom. Tout ça c'est terminé, pas facile de me faire à l'idée que ça fait une éternité quand c'est promis l'éternité. Quand les promesses sont des mensonges, tout se désenchante. L'amour de jeunesse c'est croire qu'on va vivre ensemble. Les promesses, les promesses. Les promesses, les promesses. Les promesses. Les promesses. Big Flo Ali. Big Flo Ali. Promesse. Ouais. Ou les promesses. Et les promesses. Les promesses. Non, promesses, tout court. D'ailleurs. Ils ont pas mis de. Problème de casque. Encore, mais qu'est-ce qui se passe avec ces casques aujourd'hui? Dis donc. Il y a un petit souci là, non? On dirait. Allez, c'est parti pour. Boum. Les pronostics. Allez, Toti. Allez, Roland. Thierry Gilardi. Avec donc la deuxième journée de cette Ligue 1. Oh la vache. Alors, on passe sur un petit direct rapide avant de parler de ces matchs. Valenciennes-Le Havre, depuis 32 minutes, pas de but. Et Roublev, son gars, eh bien, on est toujours à 5-5, jeu de service pour Roublev. Visiblement, c'est un jeu de service qui dure parce que c'est toujours pas fini. Et on n'a même pas malheureusement le score. Non. Mais ça, je vais vous trouver ça. Pas de panique. C'est un tie break là ? Non. Ah non. Non. On est à 5-5, d'accord. Non. Tie break à 6-6. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pas mes lunettes. C'est ça. Donc, allons-y pour les pronostics. 6-5 pour Tsonga qui a breaké. Très bien. Mais malheureusement qui est mené 0-30 sur son service. 0. Non, 15-30 maintenant. Qui va peut-être aller chercher un troisième set. Ça va durer ce soir à Paris. C'est en 3 sets gagnants ? 2-2-2-2. Et puis derrière, encore un match. Donc ça va. Ceux qui ont pris les billets aujourd'hui, ils sont contents. Il y a pas mal de matchs encore. Ça dure. C'est parti. Avec vendredi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Non, mais j'ai le nouveau siège. Je déménage. Vendredi. Ah. C'est fini, oui. J'arrête. À 20h45, pour ouvrir la journée, c'est Dijon. Dijon. Paris. Ouais, Dijon, dernier, 20e. Et Paris, leader. Bon, voilà. Et ben. Tu t'es dit. On met pas les scores, c'est pas non, celui-là pas, le score, voilà. C'est quel. Ce sera c'est le score du dimanche, Monaco. D'accord. Paris, mais je pense qu'il y aura pas un gros score. Ah ouais? Ouais, parce que ils ont leur. Il y a le match la semaine d'après. Il y a surtout match Bruges et il y a le match de Bruges et je pense ça que ça va tourner. Ouais. C'est logique d'ailleurs. Balle de débreak pour Roublev, 30-40. Malheureusement, de son gars qui n'arrive pas à confirmer. Le samedi après-midi à 17h30, c'est Marseille-Lille, parce que Marseille va se relever le claque. Marseille 7ème, Lille 3ème. Pour moi, ce sera un match nul. Je crois. Ouais, oui, je vais même mettre ça, c'est sûr. Pour moi, ce sera une vie. Vas-y, pardon, vas-y, dis-moi. Non, parce que. Je sais pas. Marseille. Lille aussi jouera quelques jours plus tard, mais est-ce que vraiment ils y croient encore? Je sais pas. Mais Marseille, ils vont se relever quand même. Cette Lille est pas mal. Sur une victoire. Tu sais, enfin, Marseille, pour moi, c'est quand même très faible. Hein, tu vois, enfin, le match de Paris, même la deuxième mi-temps, même si Paris relâche, ils n'ont pas été dangereux. Moi, je vois une victoire de Lille. Allez. De Lille. J'ai bien envie de mettre ça aussi, mais bon. Non, je vais rester comme ça. Oula, Amiens-Brest, on se croirait en Ligue 2. Ouais. Amiens-Brest à 20h. 14e contre 6e. Contre 5e même. Ça va être encore une victoire extérieure. Amiens, ils sont pas bien du tout. Hein. Ils restent sur 4. Ah non, ils ont gagné un seul match sur les 5 derniers. Brest, qui en a gagné 3 de suite. Est-ce qu'ils vont enchaîner une 4ème victoire? Et balle de 7 pour Joël Fatsonga, qui est à avantage sur son service. Est-ce que Brest va enchaîner encore une 4ème victoire? Je ne sais pas. Match nul pour moi. Bah oui, j'ai envie de mettre ça, mais j'en ai déjà mis. Ça ne coûtera pas plus cher. Allez, match nul. Angers-Strasbourg. Oh là là. Angers, ouais. Angers-Strasbourg. Angers qui est 6ème. Beau début de championnat. Strasbourg 16ème. Angers pour moi. Angers pour moi aussi. Et 7 remportés par Jeux à 5. Qui justifie. Il y a un oignon dans la bouche. 7 Jeux à 5. Et on aura un 3ème set dans ce match qu'on ne suivra pas. Malheureusement, mais que vous pouvez suivre sur Canal Plus. Eurosport, pardon. Pardonnez-moi, c'était l'an dernier que c'était sur Canal Plus. Eurosport 1, Nîmes-Rennes pour enchaîner. Nîmes qui est 18ème, Rennes qui est 8ème. Pareil, c'est pas facile ça. J'ai encore envie de mettre un. Rennes. Ouais, Rennes aussi pour moi, Rennes, à l'extérieur. Ouais. Mmh. Qui vient de gagner un gros match en plus. Ça. Voilà, Metz-Montpellier. Metz-Montpellier 9ème. Montpellier, victoire impérative, hein. faut pas décrocher. Donc Montpellier pour moi. C'est le cœur qui perd. Et ben je vais encore mettre un nul moi, mais. Une fois il y a eu plein de nuls en Ligue 2, il peut y en avoir aussi en Ligue 1. Hein. Toulouse-Lyon. Pour finir, samedi. Toulouse qui est. Que je cherche d'ailleurs, qui est pas. Qui est 17ème. Ouais. Ouais, et Lyon qui est 13ème. Bah, Lyon pour moi. Lyon, il faut qu'il reparte là. Faut que Memphis nous mette. T'as déjà 5 victoires à l'extérieur, toi. Ouais. Mais pourquoi pas? Dimanche à 15h, on a Bordeaux-Nantes. Tiens, ouais. Bordeaux 9ème, Nantes qui est 2ème. Et j'ai encore envie de mettre une victoire extérieure, moi, mais. Nantes. Bah. C'est nul, bon. Ouais, c'est nul. Bon. On passe le bonjour à Jérôme. Match nul. Pour moi, encore. Oh. Mais je vais changer, je crois, quelque chose. Nice-Reims. Ensuite, Nice. Qui est quoi, ouais, non, ils 15e. Sont à la charrette. Ah ouais, ils sont à la charrette, SFD. Et Reims, en revanche, qui est 4ème. On a encore envie de mettre une victoire extérieure. C'est fou, hein. Non, Nice pour moi. Bien match nul pour moi. Et à 21h, c'est Saint-Etienne-Monaco. Saint-Etienne 12ème, Monaco 11ème, et surtout qui revient très bien. Le score. Et ben Monaco 3-1. Et donc, du coup, là, ça fait quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs à l'extérieur. C'est une victoire extérieure. On n'a jamais vu ça, Mich. Pourquoi Mich? Personne ne sait que je m'appelle Mich. S'il te plaît, garde mon anonymat. 7 matchs à l'extérieur. Bon, pourquoi pas. Hein. Saint-Etienne pour Monaco pour moi aussi. 2-1. 1, 2, 3, 4 matchs. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Moi, je vais changer un truc parce que j'ai que 2 victoires à domicile. Je vais être Amiens contre Brest. Puis voilà. Je vais m'arrêter là. Ce sera peut-être une journée à l'extérieur pour, comme au basket. Non, c'était quoi au. Quoi? Si ce sera peut-être une journée à l'extérieur. Comme c'était le cas pour. Je sais plus quoi là. C'est, la Ligue 2. La Ligue 2. Où il y a eu des victoires à l'extérieur. Enfin, ou très peu. À domicile. Bon, bah, ok, on garde ça. On verra ce que ça donne. Si ce sera bon ou pas. En tout cas, ça. C'est alléchant les matchs encore. Bon, bah là. Valenciennes-Le Havre 0-0. C'est magnifique aussi. 38ème minute de jeu. Ça vient de démarrer en Portugal. Braga Santa Clara 0-0, 2ème minute. Que vous pouvez suivre nulle part d'ailleurs, puisqu'il n'est pas diffusé. En tout cas en vidéo. Et puis Roublev Tsonga, ça va partir pour le 3ème. Et ça, c'est sûr, dernier set. Et il y aura dans la foulée Casper Ruud, Adrian Manarino. Pour finir la journée à l'Accord Hotel Arena. Cette semaine, un petit peu de musique quand même pour nous accompagner dans cet agenda. Cette semaine, eh bien, que suivre? On le disait en foot à l'instant, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. L'USO va à Caen. À Caen, vendredi à 20h, pour tenter de prendre des points. Il faut prendre des points, en tout cas. Un ou même trois, ce serait mieux. Donc la Ligue 1 aussi tout le week-end. demain et mercredi, c'est la Coupe de la Ligue. Magnifique 16e de finale. Avec un Le Mans-Nice. Oui. À 18h30. Et Monaco-Marseille. Qui sera... Ah, on a... c'est vrai qu'on n'a pas tenu compte qu'il y avait des matchs cette semaine en Coupe de la Ligue. Mais bon. Je sais pas si ça va changer grand chose. Hein. Est-ce qu'on la joue encore à fond cette Coupe de la Ligue? Je ne sais, je suis pas sûr. Hein. En tout cas, c'est demain et mercredi. Je ne sais pas sur, sur quoi d'ailleurs. Mais il y, y a de la Ligue des Champions. Mais non. Non, c'est mercredi encore d'après. Bah oui. Il ne peut pas y avoir Coupe de la Ligue et Ligue des Champions. Bah enfin, si, puisque la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions, elle rentre. Ah bah non, non, je suis con. Puisque les, ouais, les Européens ouais, rentrent plus tard, mais bon, ouais, pff, ça ferait trop de matchs. Et demain, j'aurais juste vous donner les matchs. Pour demain, pour les matchs de ces. Cette Coupe de la Ligue, Canal Plus Sport pour Nîmes-Lens par exemple, et après les matchs du soir, eh bien, bonne question, tu ne sais même pas s'ils sont diffusés. Si, il y aura aussi Bordeaux-Dijon, mais les autres matchs que vous, qui seront diffusés demain, enfin qui seront joués demain, ne seront pas diffusés. Bon. Et puis mercredi, pareil pour les matchs de mercredi, où on retrouvera. Donc les matchs, les autres 16e de finale, on aura quand même, je crois, Monaco-Marseille sur Canal Plus Sport, et puis on aura sur France 3 le fameux à chaque région son match, le fameux qui sera l'un des derniers en Coupe de la Ligue. Donc à 21h sur France 3, chaque région son match, vous pouvez voir en fait tous les matchs en fonction si vous naviguez sur les différents canaux de France 3. Et puis pour le Loiret, je ne sais pas quel match ce sera d'ailleurs pour la région centre. Le Mans, surtout, oui, certainement. Le Mans-Nice. Ce sera le Mans-Nice. Et sinon, il y a Monaco-Marseille sur Canal Plus Sport. Que vous pouvez retrouver sur France 3, PACA peut-être, pour Monaco. Je crois. Un truc comme ça. Voilà pour le programme de demain et de mercredi en Coupe de Ligue. En tennis, Masters 1000, Rolex Paris Masters toute la semaine. La lutte pour la première place. Mondial entre Rafa Nadal et Novak Djokovic, et puis bien sûr il y a les dernières places en jeu pour le Masters, il y en a deux à jouer pour les jeunes qui arrivent et qui ont encore la possibilité de se qualifier. Du rugby, c'est la finale de la Coupe du Monde, ce sera samedi matin à 10h, soyez au rendez-vous sur TF1 pour la rencontre Angleterre-Afrique du Sud. Pour un champion qui a déjà été champion d'ailleurs, oui. Les deux ont été champions. Et puis le vendredi matin, si vous pouvez, si vous voulez, si vous voulez, pas forcé. Hein. Oui, vous n'êtes pas obligé. Non, non, vous pouvez dormir. Mais c'est... vous pouvez regarder. C'est à 10h. Ce sera, je ne sais plus, Pays de Galles. Nouvelle des Zélandes. Nouvelle Pays de Galles. Ouais. À 10h vendredi matin. Il y aura quand même les Blacks qui jouent. Ça, c'est donc pour le rugby. Et puis, il n'y a pas d'autres matchs, puisqu'il n'y a pas de top 14. Du basket, on l'a dit, l'OLB jouera à domicile. Ce sera samedi soir. Et ce sera à domicile. Bah oui, puisque ce sera au Palais des Sports, bien sûr. Ça va peut-être un autre Palais des Sports. Mais ouais, ce sera celui d'Orléans, celui-ci. Et qui recevra. Eh bien, Cholet. Cholet, voilà, à 20h samedi soir. Voilà, donc. Pour les amateurs de basket. Moi je serai pas là, je serai l'anniversaire de Jérémy Fauché. Bah voilà, et bah bis à lui. On l'embrasse, il est passé nous voir. Il est passé nous voir d'ailleurs. Handball, il y a les championnats qui reprennent partout hein, après cette trêve. Saran, Gien, Fleury joueront, enfin les trois joueront. Voilà. Et puis la première division, bien sûr, la Little Star League également. Puis la Ligue des Champions aussi. Hommes et femmes. La basket, on le disait, hormis Orléans, il y aura la NBA qui toute la semaine et les Coupes d'Europe, évidemment. Et puis, Formule 1, Grand Prix des États-Unis à Austin, dimanche à 20h. Ce sera bien sûr le programme. Et un Grand Prix MotoGP, ce sera le Grand Prix de Malaisie dimanche également. Et tout ça, que ce soit Formule 1 ou MotoGP, ce sera sur Canal+, que vous suivrez. Les différentes qualifs et essais à partir de vendredi jusqu'à dimanche sur les différents canaux, Canal+, Canal Plus Sport. Voilà, je crois que on a tout dit pour la semaine de compétition. Plein de choses encore à suivre. Et puis pour la fin de soirée, vous pouvez encore suivre deux choses, enfin même trois. Valenciennes-Le Havre, la deuxième période, parce que là ça va s'arrêter. On est à 0-0. Oh, on va arrêter le massacre hein, pour la première période. Braga Santa Clara en Portugal, que vous pouvez suivre en commenté, mais pas en vidéo. Et puis, la troisième manche de Tsonga Rublev, Tsonga. Qui va démarrer.